Du 9 au 21 juillet, la radio du Thomas, théâtre d'outre-mer en Avignon, ouvre ses micros et fait résonner les voix des créateurs français originaires des Caraïbes, de Guyane, du Pacifique et de l'océan Indien. Bonjour à tous, nous sommes en direct d'Avignon, au théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné, pour l'émission Grand Large, avec laquelle nous partirons chaque jour à la rencontre des créateurs, invités à cette 21e édition du théâtre d'outre-mer en Avignon, de tous ces artistes qui sont porteurs de cette culture française des Grands Larges pendant le Festival OFF d'Avignon 2018. Avec cette pièce, j'ai appris plus de détails, on va dire. Par exemple, je ne savais pas qu'il y avait eu 193 tirs. Je pensais qu'il y en avait eu une trentaine, mais pas 193. Toni a te de pine loite dai na pane. Toni a te de pine loite dai na pane. Makani sine vi. On a fait un long voyage pour venir ici au Festival d'Avignon et on est très heureux de venir ici pour découvrir la France. Actuellement, si on veut faire évoluer les enfants, il faut sortir des murs de l'école, il faut travailler autrement, en leur apportant quelque chose qui va les toucher et qui va faire briller leurs yeux. C'est comme tout ce que fait la Chapelle du Verbe Incarné, c'est important de donner un maximum de visibilité aux expressions des ultramarins et des ultramarines. C'est essentiel de rappeler leur présence sur le continent, dans l'Hexagone, qui a vite très très fort tendance à oublier que la France est un archipel, que son histoire est multiple, que ses origines sont diversifiées, que son histoire est complexe. Et ce devoir de mémoire, il est essentiel. L'esclave, finalement, dans la situation coloniale, n'est pas maître, ou en tout cas ne possède plus son corps qui devient un instrument de travail, et ni sa force de travail. Mais en revanche, le corps du rêve de l'esclave, le rêve de l'esclave, appartient à l'esclave seul. J'accepte cet archipel des Amériques. Je dis à l'ancêtre qui m'a vendu et à l'ancêtre qui m'a acheté, je n'ai pas de père. Je ne veux pas d'un tel père, bien que je puisse vous comprendre, fantôme noir, fantôme blanc, quand l'un et l'autre vous murmurez histoire. À vous, grand-père, à qui intérieurement j'ai pardonné, je vous adresse, comme les plus honnêtes de ma race, un étrange merci. Glissant défend ici son livre contre la critique de Jean d'Ormesson. « Je n'aime pas ce livre et je le dis », annonçait d'emblée ce dernier. « Je pense que M. Glissant, dont j'ai lu quelques vers que j'aime assez, a fait un roman poétique, qu'il a mélangé tous les genres, et que ce roman poétique est à peu près illisible. » Je dois dire d'abord que le fond politique de mon roman ne suffit pas à justifier l'appellation de roman politique. J'ai voulu faire le roman du début d'un peuple. La pièce, nous la ferons ensemble, nous ne la jouerons pas. C'est pourquoi vous êtes acteur, et vous, acteur et actrice, vous commencez avec nous cette histoire du malheur, notre histoire. Et si vous n'êtes pas d'accord, alors criez, tapez, nous discuterons la chose entre nous. Vous écoutez Grand Large sur la radio du Thomas, théâtre d'outre-mer en Avignon. Enfin, quand on explique le projet de la Chapelle du Verbe Incarné, les gens nous disent « Ah bon, mais il y a du spectacle vivant en outre-mer ». Oui, il y en a. Il y en a beaucoup, il est très présent. Et on s'est rendu compte que ce spectacle vivant se délité dans les mémoires des gens n'existait plus. Donc soigneusement, au fil des 20 ans, nous, on a, sans savoir finalement qu'on était en train de garder une partie de cette trace-là, on a conservé les dossiers de presse, les tracts, etc. Des gens qui sont passés ici, mais aussi des gens qui nous ont envoyé des dossiers. C'est-à-dire qu'on a des caves pleines d'archives de vidéos, CD, donc c'est les VHS à l'époque, les mini-DV, etc. Belle bonjour Avignon, belle bonjour Radio Thomas. Puisque nous parlons de danse aujourd'hui et de préservation des danses immémoriales, faisons un tour du côté du bassin caribéen. Il y a le damier, une forme de danse-combat qui s'apparente à la capoeira et qui est unique dans la Caraïbe. Enfin, on dit que le bélé a une fonction de soin et qu'il peut guérir les âmes malades. Écoutons Ticano par Tiémile, alias Emmanuel Caserus, une légende de la musique martiniquaise, et voyons cette danse. Ce qu'il y a de bien avec le théâtre, c'est qu'on se fait prendre comme ça, sans le savoir, doucement, par les mots, par des choses qui paraissent loin. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup circuler, parce que circuler, c'est on part de très loin. Quoi. Il y a une espèce de, on est sur une rue un peu comme ça, et puis, paf, tout à coup, on prend dans la gueule qu'on est dans quelque chose d'autre qu'un accident de la route. Hein. Circuler, il y a quelque chose à voir. Quoi. Et je relis encore ce que j'ai écrit à propos de la radio. Je vais vous le lire. Nous savons tous que par sa facilité d'accès et sa proximité, ce média accompagne plus que n'importe quel autre l'imaginaire des citoyens d'un pays et participe fondamentalement au mieux vivre ensemble national. Alors là, évidemment, c'est un grand mot, dire national, alors que c'est la radio du Thomas en Avignon de façon très éphémère. Et malgré tout, la radio, ce sont des empreintes qui restent, et ces empreintes sur lesquelles on pose les mots peuvent rester très longtemps. Tout pas tout fait, mais tout pas tout fait, mais...